Mama, oh mama, mama, oh Abidjan. Mama, oh mama, l'insécurité va nous dire. Tu accroches ton chakoto, ils vont voler, tu déposes ta brosse à dents. Ils vont voler, tu déposes ton dirigeoir. Ça va, ciao. Mama, oh mama, mama, oh Abidjan. Mama, oh mama, l'insécurité va nous dire. Là-bas à Trècheville, dans une cour commune, les habitants de là-bas ont reçu la visite des braqueurs, les braqueurs coagulés. Quand ils sont arrivés, ils disent oh les mains, celui qui bouge on tire ou celui qui tire on bouge. Aujourd'hui on ne veut pas l'argent, on ne veut pas bijoux, on ne veut pas tuer, mais on fout toutes les go. Il y a une petite fille, elle dit pardon tonton, ma grand-mère qui est là, elle est beaucoup vieille, elle ne peut pas marcher, pardon, ne la touchez pas. La grand-mère dans la chambre, elle a attendu cela directement, elle est sortie, elle dit pardon, pardon, qui t'a demandé, quand ils sont rentrés, ils ont dit en tout, tout le monde, ce qui est dit, est dit. Il y a 20 ans, ton grand-père est décédé. Je n'ai plus de pointeur dans ce qui est dit, en fout tout le monde. Parmi les filles, il y avait un travesti avec une perruque, maquillage, beaucoup de poils, on dirait crabe poilu. Mama, oh mama, mama, oh Abidjan. Mama, oh mama, l'insécurité va nous dire. Le braqueur l'a trimballé, arrivé dans la chambre où ça voulait commencer. Il était surpris, surpris d'être étonné d'être en face d'un garçon. Il voulait B.O. le traverser la pompée. Où dit en bas, quand vous êtes rentré, tu as dit en haut tout le monde tant que tu vas me couper aussi. Sinon tu ne bouges pas. Ce qui est dit, en haut tout le monde. Mama oh mama, mama oh Abidjan, mama oh mama, l'insécurité va nous dire. Ça va Jobo, yeah, ça Jobo, yeah, ça va Jobo, yeah, ça Jobo, ça va Jobo, ça Jobo, Raphaël, ça va Jobo, Monsieur Dubois, ça Jobo, Issa, ça va Jobo, ma petite Monia, ça Jobo, Monia, ça va Jobo, ça va Jobo, ça Jobo. Sabajobo, Sabajobo, yeah. Sabajobo, Sabajobo, Sabajobo, yeah. Sabajobo, Bataniko, Sabajobo, oh Gigi, Sabajobo, Gigi Gobra, Sabajobo, Opolo, Sabajobo, Jepetete, Sabajobo, Gobra.